Le lendemain, ces trois existences, si diversement et si réellement misérables, celle d'une mère au désespoir, celle du ménage Marneff et celle du pauvre exilé, devaient toutes être affectées par la passion naïve d'Hortense et par le singulier dénouement que le baron allait trouver à sa passion malheureuse pour Josepha. Au moment d'entrer à l'opéra, le conseiller d'État fut arrêté par l'aspect un peu sombre du temple de la rue Lepelletier, où il ne vit ni gendarmes, ni lumière, ni gens de service, ni barrières pour contenir la foule. Il regarda l'affiche, y vit une bande blanche au milieu de laquelle brillait ce mot sacramentel, « relâche par indisposition ». Aussitôt, il s'élança chez Josepha, qui demeurait dans les environs comme tous les artistes attachés à l'opéra, rue Chauchat. « Monsieur, que demandez-vous ? » lui dit le portier à son grand étonnement. « Vous ne me connaissez donc plus ? » répondit le baron avec inquiétude. « Au contraire, monsieur, c'est parce que j'ai l'honneur de remettre monsieur que je lui dis « Où allez-vous ? » Un frisson mortel glaça le baron. « Qu'est-il arrivé ? » demanda-t-il. « Si monsieur le baron entrait dans l'appartement de mademoiselle Mira, il y trouverait mademoiselle Héloïse Brisetout, monsieur Bixiou, monsieur Léon de Laura, monsieur Lousteau, monsieur de Vernisset, monsieur Steedman et des femmes pleines de patchouli qui pendent la crémaillère. Eh bien, où donc est mademoiselle Mira? Je ne sais pas trop si je fais bien de vous le dire. » Le baron glissa 2 pièces de 100 sous dans la main du portier. Eh bien, elle reste maintenant rue de la Ville-l'Évêque, dans un hôtel que lui a donné, dit-on, le duc d'Hérouville, répondit à voix basse le portier.